Join me on R.I.G. R.I.G. Oh, l'anarchiste est un contrôleur de Nexo. R.I.G. 90.7. Ne cherchez plus, c'est 90.7. Ne cherchez plus. C'est là. Salut, bonsoir à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. C'est Thierry Gallet, c'est la saga des Fab Four numéro 366. Et nous sommes le 7 mars, déjà ? Ah oui, le 7 mars 2018. Et nous émettons depuis Blanquefort. Donc vous pouvez nous écouter si vous êtes dans la région bordelaise sur 90.7. Et si vous êtes beaucoup plus loin, eh bien n'hésitez pas, www.rigfm.fr. Pour nous retrouver sur le net, vous pouvez utiliser le logiciel TuneIn et plein d'autres. Il y a plein d'autres moyens de trouver RG. Vous tapez RG, la radio des Beatles. Non, pas la radio des Beatles, c'est la radio des Beatles seulement le mercredi soir entre 20h et 22h. Donc, l'album de la semaine, c'est Let It Be des Beatles en 1970. Le dernier album officiel n'est pas le dernier album enregistré, puisqu'il a été enregistré, vous allez comprendre, avant Come Together, avant Abbey Road, pardon. Et puis finalement, il est resté dans les tiroirs. Donc Abbey Road est sorti d'abord, puis Let It Be est sorti au moment où aucun des Beatles n'en avait plus rien à faire. Bon, c'est comme ça. On écoutera One After 909, une vieille chanson affluant les Beatles de début des années 60. Il y aura également Two of Us, il y aura Across the Universe, il y aura Get Back, I'm in Mine et Let It Be, parce que de temps à autre il faut réécouter des chansons comme ça. Il ne faut pas toujours les mettre de côté en disant mais non, on les a trop entendus. Oui, on les a beaucoup entendus, mais de temps à autre ça fait tellement bien. Il y aura également du McCartney comme Bebop sur Wildlife en 71. Pour Lennon, ce sera Isolation sur Plastic Ono Band en 70. George Harrison nous chantera Ballad of Sir Frankie Crisp, Let It Roll sur All Things Must Pass en 70. Quant à Ringo Starr, ce sera Sentimental Journée sur le même album. L'album qui s'appelle Sentimental Journée est toujours en 1970. Voilà pour le départ de cette saga, que je vous souhaite bonne et heureuse. Rejoignez-nous sur Facebook dans le groupe La Saga des Fab Four, qui commence maintenant. One After 909. Bonne soirée à tout le monde.

en décembre 71, réalisé et mis en vente en un temps record. Wildlife, cet album de McCartney, marque la naissance du groupe Wings, dont les débuts chaotiques ne laissèrent en rien présager de l'avenir radieux qui l'attendait. Il conjugue deux nécessités qui s'imposent à l'esprit encore fragilisé de McCartney. Mettre sur pied un groupe pour reprendre des tournées et renouer le contact avec un public dont il s'est coupé physiquement depuis 6 ans, 1966. Et retrouver la spontanéité primitive du rock. À chaque fois que Paul se sent avoir des problèmes, il a envie de revenir vers le rock primitif. D'où la rapidité avec laquelle le projet fut mis sur pied. Répétition hâtive, enregistrement éclair et départ du groupe pour une tournée improvisée dans les universités britanniques. À ses côtés, le batteur Danny Sewell, déjà présent sur l'album Ram, Danny Lane, guitariste et chanteur des Moody Blues à leur début, et sa femme Linda au clavier. Avec seulement 8 titres mis en boîte et mixés en moins de 15 jours, Wildlife fut souvent qualifié d'album bâclé et il connut un succès très mitigé en regard de la notoriété de son auteur. Il faut bien dire que rien n'avait été fait pour en profiter. Le nom McCartney ne figure nulle part sur la pochette et aucun marketing sérieux n'a appuyé la commercialisation active de l'album. Malgré les faiblesses de cet album-là, Wildlife demeure toutefois un album singulier qui, étonnamment, accusera moins le poids des ans que certains de ses successeurs. Son charme aurait même plutôt tendance à se bonifier avec le temps. Comme dans chacun des albums de Paul, il recèle toujours de quelques petites perles, telles la reprise de Love is Strange, un ancien hit de la fin des années 50, adapté ici sur une rythmique reggae, ou encore Tomorrow, une très mélodieuse supplique amoureuse sucrée à souhait. Le télégramme sonore et main tendue à destination de John Lennon, Dear Friend, est l'un des temps forts du disque. Son tempo très lent, sa tension contenue, son climat brumeux et ses intonations mélancoliques de la voix de Paul font de ce titre un titre profondément touchant et assez unique dans le répertoire de son auteur. Voilà ce qu'on peut dire sur cet album-là, j'avais envie de le dire. Un jour, on l'explorera en entier, même si je n'ai pas l'habitude de passer beaucoup de titres de cet album-là. Mais c'est bien, c'est du McCartney et j'aime bien. People say we got it made. Don't they know we're so afraid? Solution. Alone, everybody got to have a home. Isolation, just a boy and a little girl trying to change the whole wide world. Just a little town, everybody trying to put us down. Regale. de cette chanson, The Ballad of Sir Frankie Crisp, Let It Roll. George Harrison dit que c'est une indulgence personnelle qui a été inspirée par l'avocat excentrique dans les années 1800, qui était le propriétaire de Victory Folly, sa maison actuelle, la maison dans laquelle il était, lui, George Harrison. Sir Frankie était aussi une autorité sur les jardins médiévaux. Phil Spector m'a demandé si je devais changer les paroles, et j'ai fait quelques versions de cette chanson, mais les mots qui sont écrits sont là parce que c'était comme ça et c'était ce qui l'avait inspiré. J'ai la feuille sur laquelle il a écrit ses paroles. Oui, c'est vrai qu'il y a des ratures à droite à gauche, mais globalement et de toute façon, c'est une très belle chanson qui est sur l'album All Things Must Pass. Sentimental journey, gonna set my heart at ease, gonna make a sentimental journey to renew old memories. I got my bag, got my reservation, spent each dime I could afford, like a child in wild anticipation, long to hear that all aboard. Seven, that's the time we leave at seven. I'll be waiting. Back. Never thought my heart would be so yearning. Why did I decide to roam? Got to take this sentimental journey. Tout à l'heure avec l'album Wine Life d'un album qui vieillit bien finalement, et bien celui-là, qui date de 1970, Sentimental Journey de Ringo Starr, je trouve qu'il vieillit bien parce que sa voix va bien, et puis quelle surprise quand même entre, on va dire, fin 69, Abbey Road, 70, Let It Be, et ça,

Paul et John, tous deux à la guitare sèche, Two of Us pourrait être une chanson sur leur histoire commune à Liverpool. Elle décrit les souvenirs de la jeunesse insouciante de deux adolescents qui rentrent chez eux, peut-être pour composer ensemble. Mais lorsqu'ils chantèrent Two of Us, les deux personnes qui partageaient ce lien n'étaient plus Paul et John, mais Paul et Linda. L'une des qualités de Linda que Paul appréciait le plus était sa façon détendue d'envisager la vie. À une époque où il devenait de plus en plus l'esclave de ses obligations professionnelles et contractuelles, notamment l'effondrement de Apple, leur société, auquel venaient s'ajouter tous les problèmes justement de l'entreprise Beatles, il savourait chaque minute passée avec une personne qui semblait toujours de bonne humeur, avec laquelle il pouvait un instant oublier qu'il était un Beatles. Peu après son arrivée à Londres, Linda enseigna à Paul le plaisir que l'on peut trouver à se perdre. Personnellement, je déteste ça. Elle prenait le volant et l'emmenait hors de la ville pour le seul plaisir de se retrouver perdu dans la nature. Pour un Beatle qui avait pris l'habitude de voir sa vie entièrement organisée, une telle activité avait quelque chose d'exaltant, lui donnait le sentiment d'une liberté retrouvée. « Quand j'étais jeune, j'adorais me perdre », explique Linda. « J'ai demandé à mon père de partir au hasard. Mais ne nous perdions jamais, tous les panneaux nous indiquaient la direction de New York. Puis quand je suis venu m'installer à Londres avec Paul, nous avons pris l'habitude de prendre Martha, donc la chienne, dans la voiture et de quitter la ville. Dès que nous avions rejoint la campagne, je disais « allons nous perdre » et on allait au hasard sans regarder les panneaux. D'où l'idée d'errer sans but dans cette chanson « Two of Us » sur l'album « Let It Be ». In the town where I was born, lived a man who sailed to sea. Écrite par Paul McCartney pour son pote Ringo avec... À l'époque, c'était marrant parce qu'on n'avait pas les synthés qu'on a maintenant pour pouvoir faire tous les bruits, les bruitages que l'on peut entendre. Eh bien, eux, tout simplement, le bruit des bulles dans l'eau, bah, c'est une paille plongée dans un verre à côté d'un micro et on... comme ça. Et ça fait ça. Voilà. Pas la peine d'aller chercher une banque de données pour faire des bruits. On le faisait avec les moyens du bord. Et c'était très, très bien. Voici une chanson que je passe rarement et que j'aime bien. Je l'ai découverte il y a pas très très longtemps lors d'un remaster je sais plus, d'un album de Paul McCartney. Ça vient du One Hand Clapping en 1974 et ça s'appelle Love My Baby. Thank you. shout it. Love my baby and that's good enough for me. Yeah, well, love my baby and I wanna shout. I don't know what she's talking about, but I love my baby and it's good enough for me. Well, love her in the evening time, love her in the night, love her in the morning when the moon is big and bright. That's right, now love my baby, wanna shout. Oh, don't know what she's talking about. I love my baby, that's good enough for me. Bam, bam, bam, bam. I see the bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam. Well, I love my baby, that's good enough for me. That's right. Nous sommes en 1974 et comme le dit bien José sur Facebook, celle-ci, elle fait sauter de la chaise « Whatever gets you through the night » avec Elton John au piano. Et lorsque John Lennon avait composé ses chansons, il l'avait à l'époque... Elton John était au top de sa célébrité. Il l'avait invité, puis il lui avait dit « Est-ce qu'il y a une chanson qui te plaît plus qu'une autre ?» Et il lui avait dit « Celle-là, tu verras, ça va faire un hit et je vais même t'accompagner au chant. » Et donc, il l'a boosté la chanson et ça a donné effectivement un hit. Et c'est une très bonne chanson de l'album « Walls and Bridges » sur RIG. Vous êtes bien sur RIG, c'est 90.7 et c'est la saga des Fab Four. On reste sur le même album « Walls and Bridges », mais... une version alternative de cette belle chanson triste qui s'appelle Nobody Loves You When You're Down and Out. Il en a fait une autre version qui est sur la remasterisation de cet album-là. Je vous la propose ce soir sur RIG. Nine, that's a lucky number. Two, three, four. Put my finger on it, it slips away. Every time I put my finger on it, it slips away. What you say, what you say, what you say, what you say. personnellement, je préfère encore plus la version habituelle avec toute la symphonie qu'il y a dans cette chanson-là. Ça la rend encore plus triste que la version acoustique. Mais bon, c'est une très très belle chanson. On retrouve John Lennon sur l'album Let It Be et cette chanson Across the Universe sur RG. Rain into a paper cup. They slither wildly as they slip away across the universe. Pools of sorrow, waves of joy are drifting through my opened mind, possessing and caressing me. Chanson, nous sommes bien d'accord, mais le bas blesse. À l'origine, le projet Let It Be devait s'appeler Get Back, et c'était un projet dans lequel les Beatles, surtout Paul McCartney, avaient dit on revient à notre groupe du départ de 1963, seulement ce qu'on peut faire, nous quatre, avec batterie, basse, guitare, lead guitar et guitare rythmique, et nos voix à quatre, comme si on était sur scène. C'est tout. Rien d'autre, rien de plus. Et John Lennon, je suis en train de lire le livre de Philippe Norman à ce sujet-là, John Lennon aurait dit à George Martin, tout est, enfin là j'ai pas sous les yeux donc je peux pas vous dire, mais tout est traficotage, là j'en ai rien à foutre, on va faire le truc le plus simple possible. Oui, et puis évidemment ça ne s'est pas passé comme ça. Au bout d'un moment, George Martin a un peu claqué la porte, il en avait marre, et les trois Beatles, notamment John Lennon, ont décidé d'engager Phil Spector, et Phil Spector a donné ça, le mur de son, les chœurs et tout ça, et c'est très très beau. mais ça n'est plus l'album d'origine. Du coup, l'album s'appelle Let It Be, ainsi soit-il, et il est resté dans les tiroirs pendant plus longtemps parce que il a été très difficile à faire naître cet album-là. L'idée d'origine, c'était un album simple, c'est devenu un album avec différents tons, différentes couleurs, ce qui était normal, mais c'est surtout été la fin des Beatles, cet album-là. Hello, this is Paul McCartney. How much you got, how much you wanna take? It all depends on what you got. What's the cost? How much you wanna pay? It all depends on what it costs. If I can be of help in matters such as these, don't hesitate to call. I'd only be too pleased to take a look. 90.7, la radio des Beatles. Sur la France ces derniers jours. C'est vrai que c'était pas très très très fameux et c'était les Beatles avec ce titre Rain. Je vous propose, c'était la face B de Paperback Writer en 1966. Je vous propose un titre que vous m'aviez demandé il y a quelques semaines, alors que je crois que c'était un album de Ringo Starr qui était vedette. Et l'un d'entre vous a dit: moi j'aime bien Amios de Vertical Man. Eh bien, j'ai pensé à le programmer. Il suffisait simplement de le demander. Là voici cette chanson. 1998. Sleep and dream of giving love so strong. So let me say, nous allons faire une petite exception dans la saga des Fab Four pour une fois sur RIG, parce que je passe rarement les fils d'eux, donc Julian Lennon, Sean ou alors Danny ou alors voilà, c'est assez rare. Mais là, la cover sera un mash-up, c'est-à-dire deux chansons et l'air de l'une sur les paroles de l'autre ou quelque chose comme ça. Je vais vous faire écouter les deux chansons. D'abord, extrait de Valotte en 1984 qui nous donnait l'impression pour nous que c'était un album perdu de John Lennon, alors que c'était le premier album de Julian Lennon. Voici d'abord Too Late for Goodbyes de Julian Lennon, puis il y aura Get Back sur l'album de la semaine Let It Be, et ensuite lorsqu'on fera la cover, eh bien ce sera un mix des deux. Vous allez juger, c'est plutôt pas mal fait du tout. Voici d'abord la chanson pour ceux qui ne connaîtraient pas, Too Late for Goodbyes de Julian Lennon sur RIG. Maintenant, la chanson Get Back des Beatles. Rosetta. Sweet Loretta Fat, she thought she was a cleaner, but she was a frying pan. Yeah, the picture, the picker. Picture the fingers going. Okay. Je veux dire merci au nom des filles et de moi-même, et j'espère qu'on a passé l'audition. En 1969, quand même, c'était vraiment de l'humour. Vous avez bien en tête les deux chansons? Vous êtes bien sur RIG, c'est la saga des Fab Four, sur 90.7 pour la FM, sur www.rigfm.fr. Voici un mix, pas fait par moi, j'ai pas ce talent-là, un mix des deux chansons. Too Late for Goodbyes, mixé avec Get Back, ça donne quelque chose qu'on pourrait appeler Too Late to Get Back, sur RIG. Get back to where you once belonged. animateur radio, un homme et le The Beatles. Chers auditeurs, nous pouvons l'écouter. Nous en avons la possibilité technique. Nous sommes capables de partager cette passion avec le Beatlesman. Thierry Gallet est devenu cet homme. Passionnant. Passionné. En un mot, le meilleur. L'homme qui aimait les Beatles. Sur Érigé, la saga des Fab Four. Writer fut le premier 45 tours des Beatles à ne pas être une chanson d'amour. Nowhere Man avait été le premier morceau dans cette veine. Ce titre raconte l'histoire d'un écrivain qui supplie un éditeur de publier les 1000 feuillets de son livre. Composé par Paul sous forme de lettres, cette chanson surprit le public par son sujet. Le disc-jockey anglais Jimmy Savile, qui travaillait alors pour Radio Luxembourg ainsi que pour l'émission télévisée de la BBC Top of the Pops, affirme qu'il se trouvait dans les coulisses après un concert lorsque Paul eut l'idée de cette chanson. John était alors origine de 4 des 5 45 tours précédents et les Beatles s'étaient entendus pour dire que Paul composerait le suivant. Seville se souvient que John demanda à Paul s'il savait ce qu'il allait faire parce qu'il ne restait plus que quelques jours avant l'enregistrement. Paul répondit que l'une de ses tantes venait de lui demander s'il pouvait écrire un 45 tours qui ne serait pas une chanson d'amour, se souvient Jimmy Seville. Cette idée lui trottait visiblement dans la tête. Il fit le tour de la pièce et remarqua que Ringo était en train de lire. Il l'observa un instant et annonça qu'il allait écrire une chanson parlant d'un livre. Voilà. Il aimait le mot paperback writer, qu'on peut traduire en français par écrivain de livre de poche, et décida de construire sa chanson autour de cette expression. La principale innovation musicale de paperback writer est le renforcement du son de la basse. Paul jouait maintenant avec une Rickenbacker qui, grâce à de nouvelles techniques développées par l'ingénieur du son Ken Townsend, devint l'instrument le plus proéminent du morceau, s'approchant ainsi du son d'Otis Redding et de Wilson Pickett. Paperback Writer prit la première place des charts dans de nombreux pays. On peut ajouter pour finir que les harmonies vocales de Paperback Writer doivent beaucoup à Pet Sounds des Beach Boys. Oui, il y avait une émulation déjà entre Paul et John, mais également entre les Beach Boys et les Beatles, surtout au niveau Paul, qui, dès qu'il entendait un album des Beach Boys, disait « Je veux qu'on fasse mieux ». Et les Beach Boys, dès qu'ils entendaient un album des Beatles, disaient « On va faire mieux ». Enfin, en tout cas, on va essayer. Voici George Harrison sur RIG en 1960. 1973 qui parle de ce qui se passait à l'époque. Je te poursuis en justice, tu me poursuis en justice, et ça donne le blues. Et ça donne une belle chanson, Sue Me, Sue You Blues, sur RG. C'est extrait de l'album Living in a Material World, si je ne l'ai pas dit. It's out for the day. love me like she does. Oh, she does. Yes, she does. And if somebody loved me like she does. The first time, don't you know it's gonna last? It's a love that lasts forever. It's a love that has no past. She really done me. Ooh, she done me. She done me good. I guess nobody ever really done me. Ooh, she done me. She done me good. De Let It Be Naked, la version donc qu'aurait voulu Paul McCartney, et à l'origine, on va dire, oups là, j'ai tapé dans le micro sans le faire exprès, et donc, et à l'origine, les autres Beatles avant qu'ils ne changent d'avis. On retrouve l'album de la semaine, le vrai Let It Be, Let It Be. Alors, il y a deux Let It Be, Let It Be, Let It Be Naked. Lequel est le meilleur? Ben, aucun des deux. Let It Be, c'est l'album de l'histoire, celui qu'on doit retenir parce que c'est celui qui est sorti du temps des Beatles. Et le Let It Be Naked, c'est une volonté de sortir l'album qu'ils auraient voulu faire au départ. Donc, c'est bien aussi. Mais l'album de l'histoire, c'est Let It Be. Voici I, Me, Mine, les Beatles, sur RIG. I need me mine. sessions qui ont donné le film L'été de vie, quelquefois, il y avait des moments de... où ils s'amusaient. Down, step on my face, slander my name all over the place. Do anything that you wanna do. Honey, lay off them shoes, but don't you? My blue suede shoes. Well, you can do anything, but lay off of them blue suede shoes. À leur début, restaient des heures et des heures sur scène, à Hambourg par exemple, et ils devaient faire le show. Et donc pour ça, ils devaient avoir un répertoire d'énormément de chansons, et ça faisait partie du répertoire qu'ils aimaient, qu'ils connaissaient par cœur. Et entre les moments où ils essayaient de créer des chansons, quelquefois ils se détendaient comme ça, avec des petits medleys totalement improvisés, et vous avez bien vu que ça sort très très bien. C'est sur l'Anthologie 3, sortie en 96, que vous pouvez retrouver ce morceau-là. On reste sur le même album, Anthologie 3 de 96, avec la version de All Things Must Pass, travaillée avec les Beatles, refusée par les trois, enfin, on va dire les deux, John et Paul sûrement, Beatles, et cet album, cette chanson-là figurera sur l'album post-Beatles, évidemment, qui s'appelle All Things Must Pass, de Monsieur George Harrison. Voici la version travaillée avec les Beatles. Doesn't last all morning. A cloudburst doesn't last all day. Seems my love is up and has left you with no warning. It's not always been this great. All things must pass. Pass away. Sunset doesn't last all evening. is up and must be leaving. It's not always been this great. All things must pass. All things must pass away. Prétend, enfin lui, il aime cette version-là plus que l'autre, la version que l'on connaît de All Things Must Pass. Alors pour la peine, on va écouter les deux. My love's up and has left you with no warning. myself in times of trouble, Mother Mary comes to me. C'est le dernier extrait de l'album de la semaine, Let It Be, sur RG 90.7. When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. And in my hour of darkness, she is standing right in front of me, speaking words of wisdom, let it be. Retrouver Eric, on va lui dire Eric, your love is forever. C'est George Harrison qui le change, qui le chante. Et Eric, tout à l'heure, ce sera Johnny de A à Z dans quelques minutes. Cette chanson, Your Love is Forever, est extraite de l'album George Harrison en 1979. Thank you.

bien voilà, c'est terminé. Merci à tous et à toutes. Je vous souhaite une très bonne écoute de la suite des programmes, puisque c'est Johnny de A à Z. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Merci. Bisous aux filles, bonne main aux garçons. C'était Thierry Gallet pour la saga des Fab Four. Ciao.